d'une mise à jour de son fichier client, la régie des eaux a entrepris en collaboration avec Liste et Boue un recensement de tous les points de livraison eau et électricité. Régie des eaux demande à tout abonné de faciliter aux agents de Liste et Boue l'accès aux équipements de comptage eau et électricité et de leur fournir toutes les informations utiles. Eli Kadog assure la mise en onde. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à cette édition de la mi-journée dont voici d'abord l'essentiel. Incarcération depuis ce dimanche de deux représentants du parti Congrès national pour la liberté dans les communes de Mutumba et Nyabikere de la province Karusi. Selon la police à Karusi, ils ont été arrêtés pour des raisons d'enquête. Les services en charge des questions foncières sont éparpillés. C'est la raison qui a motivé l'adoption par le Conseil des ministres du projet de décret portant la mise en place d'un organe qui va s'occuper des titres fonciers du cadastre national. Vous entendrez le secrétaire général du gouvernement et son porte-parole. Vous avez également droit à la chronique environnement comme tous les vendredis. Et aujourd'hui, on va vous parler des criquets pèlerins. Voilà pour l'essentiel de cette édition réalisée par Charles Makoto, compte de la rédaction. Vous n'avez pas Isanganiro, vous ratez l'essentiel. Rebonjour, je vous le disais tout à l'heure, deux responsables du parti Sénel dans les communes de Mutumba et Nyabikere de la province Karusi sont au cachot du commissariat de la police à Karusi depuis ce mercredi après leur transfert en provenance du cachot de police de cette commune où ils étaient locataires depuis dimanche. Ils ont été arrêtés dans un débit de boissons du chef-lieu de la zone Bibar, alors qu'ils étaient avec deux responsables de ce parti Sénel sur cette colline de Bibara qu'ils venaient de donner de dépliants de leur parti politique. La police indique que ces deux hommes ont été arrêtés pour des raisons d'enquête. Ces deux hommes arrêtés sont Dikuma Sabo Eric, responsable communal de la Ligue des jeunes du Sénel, et Nchure Bugufi Denis, responsable de son parti dans deux communes, Nyabikere et Mutumba, comme le précise le président de son parti dans la commune Mutumba. Les députés qui s'étaient rendus pour voir cette situation au parquet de Karusi et leur avocat ce vendredi trouvent que ces gens sont victimes d'une intolérance politique. Toujours en page politique et dans la suite de la présentation des profils des six candidats présidentiels récemment validés par la Commission électorale nationale indépendante pour la prochaine course électorale, la rédaction de la radio Isanganiro revient sur Francis Ruhiro. Il est candidat indépendant aujourd'hui à la tête du mouvement Orange rassemblant principalement les jeunes Léon Sebitalio. L'indépendant Francis Ruhiro est natif de la mairie de Bujumbura. Il est né en zone Ruhiro de l'actuelle commune urbaine de Mukaza le 16 janvier 1972. Fils de Majorie Keruhiro et Hélène Nawiangira, Francis Ruhiro a fait ses études primaires à l'Athénée primaire de Bujumbura. Il poursuit ses études secondaires au lycée du Saint-Esprit pour les terminer au petit séminaire de Wuta en province de Bururi en 1993. Il a aussi fréquenté le grand séminaire de Burasira en Ngozi en 1994 et à Bujumbura où il a fréquenté l'université du Burundi, mais qu'il quitte en 1997 à cause de l'insécurité qui prévalait dans cette institution universitaire. Il part à l'université de Yaoundé 2 au Cameroun pour poursuivre ses études universitaires. Il obtient le diplôme de master en économie dans la faculté des sciences économiques et de gestion. Il a bénéficié d'autres formations professionnelles en République populaire de Chine. Grâce à la fréquentation dans des écoles et sous convention catholique, Francis Ruhiro est partisan de la non-violence. En 1999, alors en études en exil au Cameroun, il intègre le mouvement rebelle CNDD-FDD pour être secrétaire général de la section rebelle au Cameroun. En 2004, il regagna le pays après la signature des accords de paix d'Arusha. Après la victoire du CNDD-FDD, devenu parti dans les élections de 2005, Francis Lohero sera le conseiller économique à la deuxième vice-présidence de la République. Une année après, il démissionne du parti, expliquant qu'il ne s'exprimait pas librement et crée le mouvement Orange, regroupant principalement les jeunes, dont la vision est le développement pour tous. Francis Lohero est passionné par les émissions des jeunes et sur les médias, et en même temps, il est amateur de football. Merci Laurence Vitaliho. Le Conseil des ministres de ce mercredi 11 mars a adopté le projet de décret portant mise en place d'une structure nouvelle regroupant les services des titres fonciers et du cadastre national dans un compte rendu. Prosper Nargwami, porte-parole et secrétaire général du gouvernement, a précisé que cette structure vient résoudre le problème de l'éparpillement des services en charge des questions foncières suivies. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'une administration personnalisée de l'État dénommée Direction des titres fonciers. Depuis les années 2005, le Burundi s'est engagé dans une politique de décentralisation de l'administration publique et des réformes foncières. Dans le cadre de ces réformes foncières, beaucoup de projets visant la sécurisation des droits fonciers et la modernisation du système d'administration et de gestion foncière ont été entrepris. Cependant, tous ces efforts se heurtent encore au problème de l'éparpillement des services en charge des questions foncières. Cette situation a pour conséquence notamment la lenteur du système d'enregistrement, la multiplication des procédures, des coûts et délais qui découragent la population désirant faire enregistrer leurs propriétés et leurs transactions foncières. La mise en application des dispositions du code foncier se heurte aux problèmes de coordination et de séparation des services des titres fonciers, du cadastre national et des services fonciers communaux. Ce projet de décret vient résoudre ces problèmes en opérant des réformes à la direction des titres fonciers pour que le secteur de l'enregistrement des propriétés foncières soit un réel levier de développement économique et social. L'objectif est de créer une structure nouvelle regroupant les services des titres fonciers et du cadastre national. À l'issue de l'analyse, le Conseil a constaté que la question nécessitait une étude encore plus approfondie et a désigné une équipe qui va l'analyser au regard des textes en vigueur. Le dossier sera ramené dans un délai de 2 semaines. Sur ce point, à l'ordre du jour figurait entre autres le projet de loi relatif à l'installation d'une usine de transformation alimentaire en province de Gitega, usine des investisseurs hollandais dans laquelle le gouvernement burundais aura 49% des actions. Suivez encore une fois le porte-parole et secrétaire général du gouvernement burundais. En 2018, le gouvernement du Burundi a institué Gitega comme capitale politique du Burundi. Cette province vient de manifester son intérêt à travailler avec des industriels néerlandais du secteur privé pour contribuer au développement socio-économique des zones rurales, au développement des infrastructures des zones rurales, à la création d'emplois et à la génération des revenus. Depuis avril 2019, certaines entreprises néerlandaises ont entamé une étude de faisabilité de ce projet. En mai 2019, une délégation de ces entreprises est venue au Burundi pour discuter de ce partenariat. En novembre et décembre 2019, ces entreprises ont mené des enquêtes de terrain sur les modalités d'établir des points de collecte pour le stockage et la distribution des aliments, surtout les fruits et légumes, avec une technologie appropriée. Ce projet de partenariat public-privé prévoit d'aboutir à l'installation d'une usine de transformation alimentaire à Gitega, dénommée Organic Burundi Food, où le gouvernement détiendrait 49% des actions. La transformation est en effet la seule alternative pour augmenter la valeur de ces produits au Burundi, atténuer la détérioration de la production excédentaire et augmenter la durée de vie de ces produits. Les bénéficiaires de ce projet seront essentiellement les agriculteurs des provinces Gitega, Karusi, Kayanza, Mwaro, Muramvya, Ngozi et Rutana, organisés en coopérative agricole. Après analyse de la note, le Conseil a réitéré son soutien à la politique de transformation des produits agricoles burundais Il a indiqué néanmoins que tout doit se faire dans le cadre déjà tracé par le gouvernement. Il a, à cet effet, désigné une équipe qui va suivre de près cette question pour s'assurer que tous les intervenants ont été associés et que les procédures requises pour les contrats partenariats publics-privés sont en train d'être scrupuleusement suivies. Prosper Nahogwamiye, il est secrétaire général du gouvernement burundais et son porte-parole. Après une courte pause, page santé au rendez-vous. Isanganiro, la radio de l'avenir. 13h07 dans les cieux de la radio Isanganiro et au bureau du médecin directeur de la province sanitaire d'Ngozi qui demande les efforts des administratifs à la base dans la sensibilisation de la population afin d'éviter de s'adonner aux structures de soins connues et non dans les collines chez les incompétents. Docteur Jean Bosco Niyonzima lance cet appel après le constat des situations pareilles dans les communes Tangara et Ruhororo de cette province, n'est-ce pas Apollinaire Muzagara? Selon le médecin provincial, ces personnes traitent plusieurs maladies, dont les verminoses et autres, et se font même passer comme des dentistes. À part l'absence de formation en matière médicale, ces personnes n'ont pas le matériel et médicaments nécessaires et suffisants pour traiter ces malades. L'hygiène aussi reste à désirer, ce qui met en danger la santé de la population, déplore Dr Jean Bosco Nahiman. Certains des habitants contactés disent qu'ils sont soignés à bas prix selon les moyens de chacun, d'où ils se rendent souvent chez ces personnes. Cette autorité sanitaire conseille à la population de ne plus prêter oreille à ces charlatans, mais plutôt de se rendre aux hôpitaux et centres de santé ayant du personnel compétent et du matériel et médicaments suffisants. Ils demandent par conséquent l'implication de l'administration à la base dans la sensibilisation de la population en vue de sauver ces populations désorientées et de dénoncer aussi les tenants de ces maisons de soins inconnues afin qu'ils soient punis conformément à la loi. Un infirmier est sous les verrous au cachot de la police judiciaire d'Ngozi. Parmi les accusations, le vol des médicaments à l'hôpital Musenyi de la commune Tangara et le traitement des patients à la maison d'Ngozi. Apollinaire Muzagara, Radio Sangani. Merci Apollinaire Muzagara. Chaque 13 mars de l'année, le monde célèbre la journée internationale de lutte contre l'une des maladies gynécologiques de l'utérus qui est l'endométriose. Le gynécologue Dr Gabriel Nahayo explique que cette maladie touche généralement les femmes et filles en âge de procréation, qui est liée à la prolifération de l'endomètre dans ces endroits anormaux. Ce spécialiste précise que cette maladie existe au Burundi et suggère la disponibilité d'un appareil spécialisé dans différents hôpitaux pour diagnostiquer et traiter efficacement la maladie qui est la palascope suivie. L'endométriose est une maladie chronique qui résulte de la présence en dehors de la cavité utérine de l'endomètre. L'endomètre étant la partie fonctionnelle à l'intérieur de l'utérus qui s'épaissit dans la première partie du cycle au moment où les œstrogènes sont les plus abondants. Les symptômes majeurs, c'est la douleur. La douleur qui apparaît au moment des règles, qui apparaît préférentiellement vers la fin des règles. Cette douleur peut se prolonger même après les règles et que chez certaines femmes, et avec l'évolution de la maladie, cette douleur peut même aller couvrir tout le cycle. Ça veut dire dépasser la période des règles et couvrir tout le cycle. En ce qui concerne le diagnostic, bien sûr, de la maladie, il y a des installations en termes d'équipement qui manquent encore. Je dirais l'échographie, ça commence à se diffuser. Ce qu'il faudrait faire, c'est améliorer la technicité de ceux qui manipulent ces appareils. Mais l'aparoscope, par exemple, qui est un appareil indispensable pour le diagnostic final de l'endométriose, quelquefois aussi pour le traitement, c'est un appareil qui n'existe pour l'instant qu'à l'hôpital Kira. On l'a eu dans les années 90 au CHU de Kamenge, il était fonctionnel, mais maintenant, on n'en a plus. C'est un appareil qui est assez cher, parce que si vous achetez une colonne complète d'endoscopie chirurgicale, ça va vous coûter aux environs 200 000 euros. Mais un certain nombre d'hôpitaux, si vous accédez à des fonds, ça reste problématique. Cela aussi pourrait s'en doter et pouvoir gérer assez bien cette maladie. Radio Isanganiro, chronique environnement. Les criquets pèlerins font partie des espèces capables de parcourir 150 km par jour. Ces derniers jours, ces espèces qui constituent un véritable danger pour l'agriculture se sont propagées dans certains pays de l'Afrique de l'Est. cette édition chronique d'aujourd'hui. Le professeur Gaspard Nakimadi va nous parler comment les criquets peuvent se déplacer d'un pays à l'autre et les conséquences dans un pays. La chronique est signée Yvette Nijimbere. Les criquets pèlerins totalisa plusieurs milliers d'insectes dévastés ces derniers mois les zones de l'Afrique de l'Est. Dans cette édition chronique, le professeur d'université, Gaspard Nakimadi, nous explique pourquoi les criquets pèlerins ont une particularité de disparaître pour ressurgir brusquement quelques années plus tard. Comme en fait leur fluctuation, c'est en rapport avec les saisons climatiques. S'ils se sont multipliés à la suite d'une saison très favorable, et bien tant que la saison est favorable, ils vont continuer à se multiplier. Et en quelques cycles, deux, trois cycles localement, là, à partir de quelques individus, ils vont arriver à des milliers, des millions, même des milliards d'individus. C'est ceux-là qui vont alors voler, chercher à manger, donc à des endroits de plus en plus proches. Les criquets pèlerins se multiplient essentiellement dans des endroits secs, signifie ce professeur d'université. On les voit seulement quand il y a une explosion de leur reproduction. C'est à certains endroits bien précis, là. Généralement dans des zones bien ensoleillées et même relativement secs. Mais quand il pleut à ces endroits-là, ces mêmes espèces pondent beaucoup d'œufs. Ils vont donner des petits qui vont grandir rapidement, en cycle. Quelques mois, ils vont donner d'autres adultes qui vont aussi se reproduire. Gaspard Nakimadi signifie que ces espèces sont herbivores et qu'ils peuvent dévaster tout un champ de culture en une journée. Ils sont essentiellement herbivores, comme des herbivores. Ils mangent tout ce qui est vert, sur les feuilles, sur les arbres, les herbes, qu'elles soient sauvages ou que ce soit les champs. Donc, en endroit, ils ont passé un jour ou deux, quelques jours là. Ils vont donc faire disparaître tout ce qui est vert. Pour ce professeur d'université, la méthode préventive contre ces criquets est de tuer les petits avec des pesticides. Prévention, on peut tuer les petits. Donc après l'éclosion, les tout petits ne volent pas encore. On peut les tuer avec des pesticides là, quand ils sont très très nombreux là. Le plus souvent, alors, surtout là, ici en Afrique, il y a des régions qui sont très peu habitées. Alors, s'il n'y a pas beaucoup de monde là, on ne va même pas les voir. Là, si c'est dans une forêt ou bien dans une très grande savane ou très peu habitée là. Gaspard Nakimadi, professeur à l'université du Burundi, dans le département de la biologie, signifie que les criquets pèlerins volent en groupe et peuvent faire 150 km en une journée. Les pays déjà touchés sont entre autres le Sud-Soudan, l'Érythrée, la Somalie, l'Ouganda, le Djibouti, le Kenya et le territoire d'Aru dans la province Ituri de la République démocratique du Congo. Merci Yvette Nijimbele, c'est la fin de cette édition, mais avant de nous séparer, je vous rappelle que deux représentants du Parti Congrès National pour la Liberté dans les communes Mutumbe et Nyabikere de la province Karusi sont incarcérés depuis ce dimanche. Et selon la police à Karusi, ils ont été arrêtés pour des raisons d'enquête. Les services en charge de questions foncières sont éparpillés et c'est la raison qui a motivé l'adoption par le Conseil des ministres du projet de décret portant la mise en place d'un organe qui va s'occuper des titres fonciers et du cadastre national. Vous avez entendu le compte rendu du secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Et dans la chronique environnement de ce vendredi, l'on vous a parlé des criquets pèlerins. Et c'est le point final à cette édition de la mi-journée à 13h15. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également à Eli Kadogo qui l'a mise en onde. Deli Nibel Nibiglaj était à sa présentation. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi. Bon appétit si vous êtes à table. Au revoir.